Voilà, CDC sur RGM. Si vous n'étiez pas réveillé à pile 8h38, eh bien maintenant, c'est fait grâce au groupe ACDC. Allez, on parle maintenant anniversaire avec ceux qui sont nés un 30 octobre 1937. Naissance de Claude Lelouch, cinéaste français à qui l'on doit Un homme et une femme, récompensé par la Palme d'Or au Festival de Cannes, par l'Oscar du meilleur scénario original et du meilleur film étranger. L'aventure, c'est l'aventure, le bon et les méchants. Si c'était à refaire, les uns et les autres, Edith et Marcel, Un homme et une femme, 20 ans déjà, itinéraire d'un enfant gâté, Les Misérables, Hommes, Femmes, Mode d'emploi, Salon au thème ou encore plus récemment Chacun sa vie. 1941, naissance d'Otis Williams, chanteur américain du groupe The Temptations, notamment connu pour leur titre My Girl, dont on écoute tout de suite un extrait. Voilà pour l'extrait du groupe The Temptations. Allez, on continue. 1946, naissance de Chris Slade, batteur du groupe australien ACDC. 1951, naissance d'Harry Hamlin, acteur américain, connu pour son rôle de Percé dans Le Choc des Titans, son rôle d'Aaron Eccles dans la série télé Veronica Mars, vu également dans les séries American Wives ou encore Shooter. 1953, naissance de Charles Martin Smith, acteur américain, vu dans American Graffiti et American Graffiti la suite, dans le rôle de Terry Fields, alias The Toad, vu également dans Les Incorruptibles dans le rôle de l'agent Oscar Wallace. 1959, naissance de Marc Alexandre, qui fut judoka français, champion olympique en 1988, puis entraîneur de l'équipe de France de judo jusqu'en 2004. C'est également l'année de naissance de Zabou Breitman, actrice française vue dans La Boum 2, Promotion Canapé dans le rôle de Carole, Arrête ton cinéma, Il a déjà tes yeux dans le rôle de Claire Mallet, ou encore Le gendre de ma vie dans le rôle de Christelle. C'est aussi l'année de naissance de Vincent Lagaffe, humoriste, animateur télé français. Et c'est aussi l'année de naissance de Richard Lagravenès, réalisateur scénariste américain. Scénariste de PS I Love You, De l'eau pour les éléphants ou encore Sublime Créature. Et réalisateur de PS I Love You et Sublime Créature. 1960, naissance de Diego Maradona, ancien footballeur argentin, professionnel de 76 à 97, en jouant à Argentinos Junior, à Boca Junior, au FC Barcelone, à Naples, à Séville, au Newell's Old Boys et à Boca Juniors. On continue. 1963, naissance de Michael Beach, acteur américain, connu pour ses rôles à la télévision. Tout d'abord dans Urgence, dans le rôle de Al Boulette. New York 911, dans le rôle de Monte Parker, alias Doc. Esprit criminel, Sons of Anarchy, L'arme fatale, SWAT ou encore Chicago Police Department. 1964, naissance de Mark Steven Johnson, producteur, scénariste, réalisateur américain, réalisateur de Daredevil, Ghost Rider, scénariste du film Les Grincheux 1 et 2, ainsi que Daredevil et Ghost Rider, producteur d'Electra et Ghost Rider 2. C'est également l'année de naissance de Christina Cordula, présentatrice télé et ancien mannequin brésilienne. 1970, naissance de Nia Long, actrice américaine, vieux cinéma dans Le Mariage de l'année, Big Mama 1 et 2 dans le rôle de Sherry Pierce et la série télé NCIS Los Angeles dans le rôle de Chez Mosley. 1971, naissance d'Astrid Veillon, actrice française, vue au cinéma dans Un prince presque charmant, mais surtout connue pour ses rôles à la télévision dans Premier baiser dans le rôle d'Adeline, Extrême limite dans le rôle de Paloma, Jamais deux sans toi dans le rôle de Charlotte, Quai numéro 1 dans le rôle de Laurence Delage et plus récemment dans la série Tandem dans le rôle de Léa Seller. 1978, naissance de Jessica Marquez, chanteuse française découverte dans la Star Academy saison 1. C'est également l'année de naissance de Matthew Morrison, acteur américain, vu dans Coup de foudre à Rhode Island, la série télé Les Experts Miami, Ghost Whisperer, Numbers, Glee dans le rôle de Will Schusters et quelques épisodes de Grey's Anatomy dans le rôle du docteur Paul Stadler. C'est également l'année de naissance de Thomas Ngijol, humoriste, acteur, réalisateur français, vu dans Vilaine, La chance de ma vie, Casse départ dans le rôle de Joël, Le crocodile du Botswanga dans le rôle de Bobo Babimbi, Fast Life, Black Snake, réalisateur de Casse départ, Fast Life et Black Snake. 1982, naissance de Chimène Badi, chanteuse française. C'est également l'année de naissance de Clémence Poésy, actrice française connue pour son rôle de Fleur de la Cour dans Harry Potter et la Coupe de Feu, ainsi que Harry Potter et les Reliques de la Mort, première et deuxième partie. Et elle est apparue dans quelques épisodes de la série télé Gossip Girl dans le rôle d'Eva Coupeau. 1987, naissance d'Emilie Andéol, judoka française, médaillée d'or olympique. Au championnat du monde, elle compte une médaille de bronze, au championnat d'Europe, deux médailles d'or et une d'argent. On termine en 1989 avec la naissance de Gauvin Serre, chanteur français qu'on écoutera en fin d'émission. Allez, tout de suite, on va parler des sorties cinéma comme tous les mercredis, et c'est un temps à aller au cinéma. On commence tout de suite avec une comédie, Mon chien stupide, de et avec Yvan Attal, aux côtés de Charlotte Gainsbourg ou encore Eric Ruff. Autre film, Le Traître, un biopic drame de Marco Bellocchio avec Pier Francesco Favino, Maria Fernanda Candido et Fabrizio Ferracane. Autre film, Un monde plus grand, drame de Fabienne Berthaud avec Cécile de France, Narantzetzeg Dash et Tserendarizav Dashniam. Désolée si je prononce mal. Autre film, Retour à Zombieland, comédie épouvante d'horreur action de Ruben Fleischer avec Woody Harrelson, Jesse Eisenberg ou encore Emma Stone. Et enfin, on termine avec Debout sur la montagne, comédie dramatique de Sébastien Bedbeder avec William Legbill, Isia Higelin ou encore Bastien Bouillon. Allez, tout de suite, petite pause musicale avec Chimène Badi et le titre Là-haut. Qui peut nous dire qui nous sommes? Rien ni personne qui pourrait changer la donne. Rien ni personne, non, rien n'arrive par hasard. Comme nos vies qui s'égarent, rien ne changera l'histoire. Ça vient de là-haut, comme le vent sur ma peau. Le destin nous entraîne comme une ritournelle. Ça vient de là-haut, comme le vent sur ma peau. Le destin nous entraîne. Que l'avenir nous retient entre ses bras, pourquoi remettre à demain? Si on se bat, si on se bat, non, rien n'arrive par hasard, comme nos vies qui s'égarent, rien ne changera l'histoire. Ça vient de là-haut, comme le vent sur ma peau. Le destin nous entraîne comme une ritournelle. Ça vient de là-haut, comme le vent sur ma peau. Le destin nous entraîne comme une ritournelle. Ça vient de là-haut. Ça vient de là-haut. Ça vient de là-haut, comme le vent sur ma peau. avec Laos sur le 107 FM, un peu plus de 8h48 et il est temps pour nous de parler météo. La météo. Alors ce matin c'est brouillard, nuages et on aura de la pluie. Des températures comprises entre 6 et 7 degrés ce matin, entre 9 et 10 degrés pour cet après-midi. Jeudi ce sera des nuages, des températures comprises entre 6 et 7 degrés le matin, entre 10 et 11 degrés prévus pour jeudi après-midi. Et vendredi ce sera de la pluie, des températures comprises entre 7 et 8 degrés le matin, entre 11 et 12 degrés prévus pour vendredi après-midi. Allez, on file tout de suite faire un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. En volley, huitième de finale de la Coupe de France, Épinal s'est incliné hier soir à Viviani sur le score de 3-7-0 face à Tours. Mais Épinal qui peut être fier de son parcours et qui n'a rien lâché hier face au club de Tours. Un mot de football avec la Coupe de la Ligue où Nîmes s'est qualifié 3-0 face à Lens. Bordeaux s'est imposé 2-0 face à Dijon. Ce soir, Metz reçoit Brest et Nancy se déplace à Montpellier. Il y aura également Le Mans face à Nice, Amiens opposé à Angers. Monaco recevra Marseille, Nantes le Paris FC, Niort Toulouse et enfin Reims recevra le club de Bourg-en-Bresse. Un mot de tennis avec le Paris Master et la très belle performance hier de Jérémy Chardy qui s'est qualifié en 3-7 face à Medvedev, numéro 4 mondial, 4-6, 6-2, 6-4. Autre qualification, celle de Moutet en 3-7 face à Lajovic, 6-4, 1-6, 6-3. En revanche, élimination de Hugo Humbert en 3-7 face à Dimitrov, 4-6, 6-1, 6-2. Et malheureusement, Gilles Simon, blessé aux adducteurs, a dû abandonner face à Chapovalov. Il y avait deux partout dans le premier set. Et à noter qu'Alexander Zverev lui a été expéditif face à Fernando Verdasco. Zverev s'est qualifié en 2-7, 6-1, 6-3, 56 minutes de jeu. Au programme d'aujourd'hui, des montagnes pour nos Français, puisque Corentin Moutet affrontera un certain Novak Djokovic. Adrian Manarino, lui, se reposait à un certain Rafael Nadal. À noter que Djokovic et Nadal sont en lutte pour la place de numéro 1 mondial. Joe Wilfried Tsonga, lui, affrontera l'Italien Berrettini. Gros match aussi pour le Français. Et il y aura un duel franco-français entre Gaël Monfils et Benoît Paire. Seule consolation, c'est qu'on est sûr d'avoir un Français au prochain tour. Il y aura également Dominic Thiem face à Raonic, Tsitsipas opposé à Fritz, Fonini à Chapovalov, Goffin à Dimitrov, Wawrinka à Cilic, Schwartzman à Edmund, Isner à Garin et Bautista à Gut à Deminor. À Shenzhen, au WTA Finals, à noter que Osaka s'est retirée du tournoi. Elle a été remplacée par Bertens. Donc Bertens a affronté Barty. À noter que c'est Bertens qui s'est imposé en 3-7 et Bencic s'est imposé en 3-7 face à Kvitova. Aujourd'hui, Alep affrontera Svitolina et Pliskova sera opposée à Andreescu. Et en double féminin, à noter que la paire Mladenovic-Babos affrontera aujourd'hui la paire Grunfeld-Kurz. Oui, je pense que ça se prononce comme ça. Et on termine avec un carnet rose en biathlon avec Anaïs Chevalier qui est maman depuis la nuit de dimanche à lundi d'une petite fille prénommée Amy. Voilà pour l'actualité sportive. On va tout de suite marquer la dernière pause musicale avec Gauvin Serre et Les Oubliés. Devant le portail vert de son école primaire, on le reconnaît tout de suite. Toujours la même dégaine avec son pull en laine, on sait qu'il est instite. Il pleure la fermeture à la rentrée future de ses deux dernières classes. Il paraît que le motif c'est le manque d'effectifs, mais on sait bien ce qui se passe. On est les oubliés. La campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. À vouloir regrouper les cantons d'à côté en 30 élèves par salle.